J'espère que tu es en pleine forme en ce lundi 13 septembre. Je suis Lia et je suis en direct avec toi pendant une heure dans cette émission L'Odeur du Son. Dans cette émission, eh bien, des disques chouchous et pas n'importe lesquels aujourd'hui. Et bien entendu, eh bien, l'essentiel, comme j'aime le dire, avec mes trois invités d'aujourd'hui, Roger, Nico et Ben du groupe Asymétrique. Ah non, pas Ben, il n'est pas là. Anthony. Anthony, pardon. Voilà, fallait que j'en fasse une. Bonjour à tous les trois. Comment ça va? Ça va très bien. Super, je suis ravie de vous avoir avec nous dans les studios. Est-ce qu'on peut faire les présentations du coup? Ça sera peut-être plus simple comme ça, chacun son tour. Allez Nico, comment? Allez, je me lance. Donc je m'appelle Nicolas Meunier, je suis guitariste des Asymétriques. Ok. Et moi Anto, donc je suis bassiste chez Asymétriques. Super. Alors et Roger, donc le guitariste chanteur. Et compositeur. Eh ben oui, on va parler de tout ça. Et donc, on se permet de faire un gros bisou à Ben. Eh ben oui, Ben. Notre voilà, il était là quand même, t'as vu, voilà. Dans nos cœurs. Alors, ben Nico, j'avais eu déjà la chance de te rencontrer la dernière fois. Tu étais venu avec Delphine, Se Défile. Voilà, et à l'occasion, on avait parlé de ton groupe Asymétrique. Grâce à toi, aujourd'hui, vous êtes là. J'ai bien entendu sauté sur l'occasion. Hein. Vous me connaissez peut-être pas, mais voilà, moi, je saute toujours sur les occasions qu'on me propose. Alors, comment se compose le groupe? Vous venez de parler un petit peu de vos instruments. Vous êtes donc quatre, hein, oui, c'est ça? Oui. Voilà, vous êtes quatre. Et d'où venez-vous? Alors, Roger et Nico viennent de Saint-Nabord. Okay. Ben vient d'Épinal et moi, je viens de Châtel, sur Moselle. Ok, super. Un petit peu dispatché, du coup. Oui. Ça va, c'est facile quand même pour se retrouver? Bon, on se retrouve chez Roger dans son garage. Il bricole un petit studio chez lui. Ok. Non, super. Franchement, ça se passe plutôt bien. On arrive à se voir régulièrement. Eh bien, c'est bien. Alors, depuis quand existe ce groupe? Ah, Roger. Il y a une étymologie là. Ah, il y a une sacrée étymologie, effectivement. c'est une longue histoire, puisqu'en fait, moi j'ai commencé il y a 13 ans la musique avec un groupe qui à l'époque s'appelait Asymmetry Brothers, avec des anciens militaires où on avait décidé de faire de la musique. On faisait de la reprise. Et puis, chacun est parti vivre sa vie et on s'est retrouvés à deux, donc notre ancien batteur et moi, à vouloir continuer l'expérience. Et puis, bisous à Jean-Mi, d'ailleurs. Oui, d'ailleurs. Et ensuite, moi, j'ai continué tout seul parce que la force des choses fait que parfois, on en prend chacun notre direction. Et puis, j'ai continué à composer, à écrire. Et puis, aujourd'hui, on est sur un enregistrement d'EP. On vient de sortir actuellement, je vois que ça y est, le titre est sorti, donc en évidence. Et puis, on continue notre aventure en faisant des concerts. Et puis, par la suite, on va continuer peut-être après l'EP, d'ici la fin de l'année, peut-être sur un album, on verra la suite des événements. Super. Et du coup, la formation actuelle telle que nous sommes aujourd'hui, on existe depuis 2018. Super, ok, depuis 2018. Mais à la base, alors du coup, d'Asymétrique, c'était quoi le but? Le but, c'était tout simplement de pouvoir se faire plaisir avec la musique. De pouvoir transmettre notre plaisir à faire de la musique. Et puis, à partir de 2011, j'ai commencé à composer tout seul dans mon coin, et puis à avancer un peu, et puis à proposer des choses qui avaient l'air de plaire. Donc, du coup, j'ai continué de travailler, et puis aujourd'hui, on en a le résultat. Super. Alors, à la base, c'était des reprises plutôt? Oui, tout à fait. Ok. tout à fait. Et puis un jour tu t'es lancé, ça doit être quand même quelque chose de se lancer dans la compo, de se dire voilà, je vais composer pour un groupe, ça doit être une sacrée pression quand même, non ? Non, en fait, il n'y a pas vraiment de pression. Je pense que l'art de la composition, c'est justement de pouvoir mettre des mots sur nos sentiments. En outre, moi, c'est plus par rapport à tout ce qui se passe autour de moi. Les textes sont plus dans l'engagement de dire à la personne écoutez, regardez un peu autour de vous ce qui se passe et de les remettre un peu en question. Alors après, les gens prennent les messages ou ne les prennent pas, et puis tant qu'on a des choses à dire, à s'exprimer, je pense qu'il faut les dire parce que c'est très important. Et puis on a surtout cette chance de savoir parler la langue de Molière, donc justement on a décidé de faire du rock notamment français. Ah d'accord, justement j'allais vous demander, aucun titre dans une autre langue ? On a un titre en anglais. Ok. Voilà, qui s'appelle Without Count et qui est un peu spécial puisque c'est un texte que j'avais écrit pour une personne qui a voyagé et qui en fait est un titre international et qui parle justement du voyage. Donc c'est le seul titre qui est en anglais. Ça doit pas être facile de composer en anglais, si ? C'est pareil. Contrairement à ce qu'on pense, c'est beaucoup plus dur de pouvoir composer en français qu'en anglais. D'accord, ok. Donc toi, tu amènes plus des prises de conscience, c'est ça, à travers tes textes, c'est ce que tu aimerais ? Oui, tout à fait. Je passe par des thèmes tels que l'écologie, l'industrie, la science. Je suis vraiment très axé là-dessus parce que je pense qu'aujourd'hui, à l'époque où l'on vit, ce sont des thèmes qui sont très importants et des sujets qui sont abordés chacun de leur côté, mais qui ne sont pas réellement discutés avec vraiment avec énergie. Ok, d'accord. Est-ce que vous êtes toujours d'accord sur les paroles qui met sur les... Quasiment jamais. Est-ce que des fois il y a des débats genre bon ? Non, je plaisante bien sûr. moi je trouve qu'il a vraiment un talent d'écriture incroyable, parce que pour avoir essayé un peu d'écrire de mon côté aussi, écrire un texte, franchement je sais pas s'il y en a qui ont essayé, mais c'est vraiment compliqué. Oh. Et il arrive à garder un fil rouge, et en plus les textes sont sensés, ils sont vraiment bien écrits et on partage les opinions. Ses opinions à lui. J'imagine que quand on est un groupe, c'est quand même important d'avoir des opinions communes par rapport à ce qu'on veut transmettre, par rapport à sa musique. C'est important, quoi. Oui, c'est le cas sur le principal. C'est le cas, et d'autant plus que nous sommes quatre membres du groupe avec chacun notre propre personnalité. On vient tous de milieux différents. Ben est dans le style métal. Anto aussi, oui. Nico qui est plus dans le blues rock, oui. Anglais, on dira quelque chose comme ça. Voilà, et moi je suis plus issu de la fusion. Ah génial. Voilà, d'accord. C'est d'où le nom asymétrique. Ok, d'accord. Voilà. Oui, d'ailleurs, pourquoi tu avais choisi ce nom alors à la base ? Parce que je trouve que ce nom-là, justement, correspond tout à fait à ce que l'on est. C'est-à-dire qu'on est chacun différent, chacun avec notre propre personnalité, et qu'on est capable de pouvoir mettre en commun des idées totalement différentes et qui, en fait, se recroisent totalement. Voilà. Super. On vient tous d'environs différents, on a tous des âges différents, et pourtant on arrive à se rejoindre sur des mêmes idées. Et ça c'est beau, c'est ça la magie de la musique. Alors on parle de personnalités différentes, comment vous vous décririez en un seul mot chacun là ? Ah, c'est la question piège du jour. J'ai rien préparé moi. C'est normal. Je dirais pour moi, la confiance en moi. Ok. Non, je dirais peut-être relativement calme. D'accord. On va dire ça. Ok. Moi, je dirais plutôt persévérant. Ouais. Un seul mot pour me décrire, je dirais l'improvisation. Je me laisse porter par le vent, je verrai bien où ça me mène, puis on verra. C'est génial. Et pour Ben, qu'est-ce que vous diriez de lui ? C'est pas évident à dire. On va dire. Je dirais dans la persévérance aussi. Il est assez droit dans ses bottes, il sait où il veut aller, et quand il veut amener quelque chose, il arrive à l'amener. Exactement. Et il prend le temps de la réflexion et de poser les mots. Génial. Est-ce que vous vous connaissiez avant de jouer ensemble à travers ce groupe-là? Alors, tu veux raconter la rencontre avec Nico? Raconte la rencontre avec Nico, c'est la meilleure. Alors justement, ce sont des histoires qui sont totalement bizarres. Enfin, pas bizarres, qui sont heureuses, avec des événements heureux. On s'est connus, on s'est rencontrés dans des circonstances un peu assez atypiques. J'étais donc sur Saint-Nabor pour Nico. Je partais donc chercher des cigarettes. Et bêtement, je vois donc la personne du magasin et je lui dis, écoutez, vous connaîtriez pas quelqu'un qui fait de la guitare, cherche à monter un groupe? Et Nico qui était derrière et qui me dit bah écoutez, moi je fais de la mandoline. Très loin du rock, mais je me suis dit, mais ça peut être une idée géniale, mettre de la mandoline dans de la musique, ça peut être cool. Et puis il me dit, oui, je gratouille aussi un petit peu. Bon, ok, donc on s'échange nos numéros et puis comme ça, 3-4 jours après, on y va. Et puis direct, il y a eu cette magie qui s'est opérée entre nous, cette complicité qui s'est opérée. Et puis on s'est dit, merde, quand même, il nous manque quand même quelqu'un. Donc du coup, on a dit, allez, faut qu'on trouve un bassiste, parce que un bassiste, comme on dit toujours dans les groupes, quand on l'entend pas, on sait pas qu'il est là, mais quand il est là, il est présent, il fait beaucoup de choses. Le bassiste et le batteur, c'est un peu des choses ingrates, parce que le batteur on l'entend mais on le voit pas, et le bassiste on le voit mais on l'entend pas. Voilà. C'est génial. Et donc du coup on a été chercher un coup sur un forum et puis on est tombé sur Anto, qui n'avait jamais fait partie d'un groupe réellement. Ça faisait un an que je cherchais, Et puis on a dit allez, on se lance, on verra bien ce que ça donne. Sachant que Nico au départ a dit ouais bon, une basse, je sais pas si on a vraiment besoin. Ouais, c'est bien vrai tous que les deux. Je m'en serais volontiers passé au début. Voilà. Et... bon, c'est là-dessus que je m'en vais, bonne soirée. Non mais quel apport formidable, bien sûr, un bassiste. Voilà. Et puis derrière, on a dit allez, on lui laisse sa chance, on voit ce que ça donne. Et puis il a bossé et puis le résultat est là aujourd'hui et puis ça avance à fond et puis on est très heureux d'avoir Anto avec nous, voilà. Oui. Parce que eux ils avaient déjà des expériences un petit peu, moi j'étais totalement néophyte, je suis retombé dans le bain comme ça en mode on verra, j'ai jamais fait et puis au final incroyable. Et du coup t'es content? Ah, je suis très content. T'es encore très là, donc t'es content. Ouais. Voilà. Et puis il y a peu de temps de ça, il y a quoi, il y a un an et demi à peu près. Donc notre ancien batteur est parti vivre sa vie. Et puis je cherchais un batteur et je cherchais partout, impossible de trouver. Et puis on me dit, t'as demandé à Ben, collègue de travail. Et il me dit, vu qu'on est dans des services différents, on se connaissait pas. Et puis je dis non, je sais même pas qui c'est. Donc on m'a dit c'est lui. Il me dit, tu sais quand même qu'il bosse à 50 cm de toi. Donc du coup je lui ai posé la question. Il me dit vas-y, on avance, c'est parti. Et puis Ben nous a amené sa patte de la double pédale. Voilà, de la double pédale. Très impressionné de son niveau. Ouais. Voilà, tout à fait. Super. Il est top. J'imagine en plus ça ne doit pas être facile de remplacer quelqu'un d'autre, donc il a facilement trouvé sa place, vous l'avez je suppose bien accueilli. Mais justement, c'est ce qu'on se dit toujours au niveau du groupe, c'est qu'on a chacun nos propres personnalités et justement le but d'Asymétrique, il n'est pas de dire moi je veux ça, il est vraiment chaque personne de l'équipe est un membre d'Asymétrique et c'est lui qui amène sa propre composition. Le jour où ça ne lui plaît pas, il arrive en disant moi ça me plaît pas, je le verrai plutôt comme ça, et on change et on s'adapte, et c'est ce qui fait justement, je pense, la force de ce groupe. On travaille vraiment tous les quatre, chacun apporte sa petite patte. Ses idées pour la composition, c'est ça. Je compose mes parties guitare, puis chacun dit ce qu'il en pense et génial. Ça se passe bien. Dans la bienveillance et la compréhension, l'écoute de l'autre. Oui, on tout se frappe de temps en temps. Vous attendrez d'être sorti pour faire ça. Sur l'épaule. Hein. Est-ce que vous vous rappelez de votre première répète ensemble? Ah oui, moi je m'en souviens. Ouais. Et c'était un petit peu le stress pour moi. Je donne mon expérience personnelle parce que, comme je disais tout à l'heure, ils avaient déjà des expériences. Moi, j'y connaissais vraiment rien. Je grattais un peu de la base vite fait le week-end pour apprendre. Et Roger m'a dit écoute, t'apprends 4 morceaux pour la répète, puis on verra bien ce que ça dit. Quoi. Et j'ai jamais eu autant de pression de ma vie. Ah oui. Il faut que j'apprenne tout par cœur, il faut que je connaisse tout. Je les ai travaillés pendant des heures et je suis arrivé. J'avais un peu de pression et au final, dès que je suis rentré en en répète, ils ont été hyper bienveillants, ils ont été gentils, ils m'ont dit écoute, on prend le temps, machin. Et on a joué, c'était formidable. Quoi, je me suis dit, c'est ça que je veux faire, quoi, c'est trop bien. Super, quelle belle ambiance, quel bon mood entre vous, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Je propose qu'on plante le décor de façon sonore cette fois-ci. Hein, tout à fait. Il y a quelques temps, tu m'as envoyé un son, oui. Un son à vous. En évidence, c'est ça ? Oui, tout à fait. Tout à fait, qui est une très belle histoire et qui, je pense, peut rappeler plein de choses à plein de personnes. Ah, on en parle après ? On tout écoute ça ? Fait. Allez, à tout de suite. en évidence du groupe Asymétrie que j'ai la grande chance d'avoir aujourd'hui avec moi, en tout cas pour la plupart, 3 sur 4, c'est déjà super. Qu'est-ce que ça fait de s'entendre ? Ça fait très bizarre et c'est, franchement c'est très cool. Ouais, c'est très cool. Ouais, ça fait plaisir. C'est quoi l'histoire de ce son alors ? Est-ce qu'on peut en parler un petit peu ? Je pense que ce son en fait est la fusion justement de cette nouvelle composition du groupe. Oui. C'est un morceau qui a été écrit quand Ben est arrivé. Ouais. D'accord. On était parti sur une improvisation et puis ce son est sorti tout seul naturellement. Oui, vraiment tout seul. Voilà. Ok. Ce son, vous le retrouverez en rotation sur les ondes de radio Gémozo très prochainement. Voilà, il va être intégré à notre diffuseur. Et on aura la grande chance de vous avoir pour notre concert du 2 octobre pour les 40 ans. Le 2 octobre, ça se passe dès 16h30 devant les locaux de la radio. Et voilà, vers 20h, ce sera vous sur la scène. On vous attend nombreux auditeurs. Merci beaucoup en tout cas pour tout ça. Ben, merci à vous. Merci à toi. Alors, ça a pris combien de temps de le former ce son ? Parce que voilà, il faut composer, jouer, enregistrer, etc. Ça a pris 2 heures. C'est génial. Non, celui-là, c'était vraiment une espèce de miracle. D'accord. On l'a joué dans sa version la plus pure. La structure est. A tout de suite été là. La composition est venue toute seule, mais l'enregistrement, ça a pris beaucoup de temps. Il y a quand même une bonne vingtaine d'heures d'enregistrement derrière. Oui, on a rajouté donc après des solos. Oui, ouais. On l'a peaufiné. Mais okay. Comment dire, la chanson brute. On l'a eu tout de suite. Oui. Est-ce qu'on peut l'écouter quelque part, ce son-là ? Bien sûr. Oui. Là, actuellement, il vient de sortir donc aujourd'hui sur Bandcamp. Ok. Voilà, vous pouvez le trouver sur ce site. Donc Bandcamp, ça s'écrit B-A-N-D-C-A-M-P. Ouais. Voilà, et donc c'est notre premier single. Ah. Voilà, en attendant la suite avec un EP qui devrait sortir d'ici la fin de l'année. Alors, on va reparler. Asymétrique, A-S-Y-M-E-T-R-I-C. Voilà, tout à fait. Vous ne pouvez pas vous louper. Alors, vous avez enregistré ça où ? On l'a enregistré en indépendant. Ok. Tout simplement. Donc chez toi ? Oui. Wow, super. Tout à fait. Super. Alors le studio, ça fait combien de temps que tu l'as monté ? Enfin, j'imagine peut-être que c'est ça encore fait, en cours. Ça fait 4 ans. Ok. 4 ans que je l'ai monté. Dès que j'ai emménagé, je me suis dit, il me faut mon endroit parce que je suis quelqu'un qui a besoin de composer. J'avais besoin de mon endroit et puis je me suis monté mon petit studio à moi. Super. Voilà. Donc j'ai bien compris, toi tu écris les paroles et puis ta partie guitare. Tout à fait. Et chacun écrit sa partie musicale, entre guillemets. On met un peu chacun notre patte dedans. Oui. Moi j'essaie d'apporter ma partie basse, sauf que personnellement, comme je suis un peu moins à l'aisance qu'eux dans l'improvisation, c'est surtout eux qui m'apportent un peu les idées, puis moi je rajoute par au-dessus. Mais okay. Nico a un talent incroyable en improvisation, il sort des solos sans problème. Mais oui, on a vu ça. On Et a même ça. Des fois où on a un peu de mal à le contenir. on le retient plus une fois qu'il joue, il est parti. Mais c'est super intéressant ça, parce que dans la vie, t'es très introverti. Et au final, sur scène, tu deviens quelqu'un d'autre ? Derrière sa guitare, c'est un dieu. J'oublie un petit peu où je suis. Ouais. Du coup, tu divagues dans le monde de la musique, dans une autre dimension. Ah oui, bah, c'est le meilleur exutoire qui existe. Ouais. On oublie tout. Est-ce que vous diriez que vous êtes une personnalité différente dans la vie que sur scène ? Pour ma part, oui. Après, je ne sais pas pour vous, mais moi, sur scène, je ne suis pas du tout pareil que dans la vie de tous les jours. Moi, je ne me rends pas compte. Ouais. Je pense que, effectivement, comme dit Nico, pour moi, je pense que c'est un exutoire. Parce que, bon, je suis le plus âgé de la bande, hein, voilà. C'est un vieux, hein. Je suis un vieux, voilà, on va dire comme ça. Voilà, et j'ai pas toujours, effectivement, la possibilité de pouvoir me libérer tel que je le peux. Et justement, je m'exprime à travers ses compositions. C'est une force vitale, la musique. Hein oui. Quand on en fait, ça fait un bien fou. On vous invite tous à faire de la musique. Et oui, lancez-vous. Faites-vous plaisir. D'ailleurs, est-ce que vous avez une formation musicale ? Alors, Nico, je sais, mais tu vas quand même le redire. Du coup, toi, peut-être plus en autodidacte, mais est-ce qu'un jour, vous avez appris à jouer d'un instrument pour en arriver là où vous êtes aujourd'hui ? Alors, moi, j'ai été formé à l'orchestre de mandoline de Remiremont. Mais oui, c'est donc, génial. Donc, j'ai quand même une base théorique. Et okay. Puis j'ai voulu sortir un petit peu de la musique classique et puis je me suis mis à la guitare. Je me suis débrouillé tout seul en écoutant des CD, en essayant de reproduire les sons. Super. Et puis j'ai jamais arrêté. Génial. Moi je suis un pur autodidacte. 100% autodidacte. Quand Nico commence à me parler de tierces, de quintes, je comprends rien. Et puis quand il me le joue, je lui dis ah ouais ça, ok, pas de problème, c'est bon, vas-y, on y va. Voilà, et j'ai tout appris comme ça sur le tas depuis l'âge de mes 16 ans. Nico, t'es un peu le musicien de la bande en fait, quoi. Voilà, c'est théorique, je veux dire, voilà. Théorique. C'est le leader. Oui, c'est celui qui apporte la théorie. C'est le leader instrumentiste de la bande. Ben oui, oui. Tout à fait. Quand même. Après, Ben est aussi très, ouais, très bon dans son domaine. Il a suivi des cours de batterie. Oui, Ben aussi. Il a suivi des cours de batterie, il est assez calé aussi. Oui, tout à fait. Après, on n'a pas vraiment besoin de parler en termes techniques. On a, je dirais, tous plutôt une bonne oreille. Oui. Donc, en fait, ça suffit. Ouais, c'est largement. Important quand on fait de la musique, hein, je pense. Et toi, du coup ? Et moi, à la base, je voulais être batteur. Et mes parents n'étaient pas très d'accord parce que ça fait du bruit, ça prend de la place. Bon, batteur, bah si, ça commence par voilà, là. C'est bon, ça, voilà, justement. Je voulais rester dans la rythmique. Et puis, c'était tout bête, en fait. J'allais à l'époque à l'Ami Musique à Épinal, à un magasin. Mais oui, qu'on embrasse, qui n'existe plus, mais quand même. Oui. Et je passais, j'ai vu que j'ai commencé vraiment avec une basse un peu pourrie. J'en ai racheté une après. J'en ai vu une en promo. Je me suis dit, c'est pas une batterie, mais c'est rythmique quand même, je la prends. Oui. Et j'ai jamais lâché après. Au départ, j'ai commencé vraiment avec des tablatures, que je savais pas lire le solfège. À l'heure actuelle, toujours pas, mais ça progresse un peu quand même. Et je grattais, je faisais des reprises. En fait, ce qui m'a vraiment donné envie de faire de la basse, c'était le morceau For Whom the Bell Tolls de Metallica. Vraiment, j'ai entendu l'intro, je me suis dit, c'est quoi qui joue ça ? On m'a dit, c'est de la basse. J'ai dit, je vais faire ça. C'est génial. C'est le premier morceau que j'ai appris et je me suis dit, c'est trop bien la basse, c'est trop, trop bien. Waouh, super. Vous avez fait récemment quelques scènes, il me semble. Oui, tout à fait. Donc on a été, il n'y a pas si longtemps que ça encore, on était au Treps Bar de Bruyère. Ouais. Et puis ensuite, on a fait aussi un concert à Miremont au Bar du Marché, au Middle Pub. Super. Voilà, et qui viennent de nous inviter pour cet hiver à renouveler l'expérience. Super. Donc vous jouez que des compos à ce moment-là ou parfois des reprises quand même ? Alors on essaye que des compositions. Ouais. On a commencé avec beaucoup de reprises, un petit peu de compos, puis petit à petit on se débarrasse des reprises pour mettre des compos à la place. Super. Alors ça fait quoi de jouer devant un public ses propres compos ? Parce que ça c'est peur avant de monter sur scène et puis ensuite. La peur, ouais. Je pense qu'une fois que la première note est lancée, c'est que du bonheur. Ouais. C'est du bonheur de pouvoir voir le public sourire, danser, se faire plaisir. Ouais. Je pense que c'est ce qui est le plus important avec la musique. Voir les gens s'amuser sur des reprises, bon, c'est un peu de la triche parce que forcément les morceaux sont connus, oui. Les gens adorent, donc c'est un peu facile d'amuser les gens dessus. Mais voir des gens danser, chanter sur nos musiques à nous, c'est une sorte de fierté un petit peu. Mais carrément. Ouais, carrément. Ouais. Je comprends. Point de vue de compo, alors tu nous as parlé un petit peu de tes inspirations. Comment ça se passe pour écrire un texte ? Combien de temps tu mets ? Est-ce que tu as toujours un stylo et un carnet dans la poche ? Alors, je n'ai jamais de stylo et de carnet dans la poche. Par contre, j'ai ce que l'on appelle en 2021 la nouvelle technologie, ça s'appelle un téléphone. Téléphone portable. Voilà, pour pouvoir enregistrer. Et en fait, j'enregistre juste ne serait-ce qu'une phrase. D'accord. Une phrase, un mot qui me parle. Un mot-clé, quoi. Et puis vient à travers ce mot un sentiment, une réflexion que je me fais. Et à partir de là, je commence à poser des mots dessus. D'accord. Généralement, c'est assez rapide quand même pour pouvoir composer les titres. Je peux mettre 2-3 jours, mais ça dépend vraiment, c'est vraiment très aléatoire. Parfois, c'est la musique qui va m'inspirer. Parfois, ce sera une réflexion qui va m'inspirer. Donc, il n'y a pas vraiment de règles là-dedans dans la composition. Je pense qu'il faut surtout se laisser aller et puis prendre le temps de profiter. D'accord. Voilà. Alors, est-ce que tu as un petit peu répondu, mais est-ce que c'est déjà la musique, l'instrument avant les paroles ou est-ce que ça peut être aussi le contraire ? Tout vient un peu en même temps en fait. Des ouais. fois on compose d'abord l'instru à travers une impro et Roger vient apporter son petit texte après, ou des fois Roger vient et dit ok les gars j'ai un texte, faut faire un truc dessus, donc on va improviser, on va un peu tourner autour. Et des fois vraiment le texte il vient pendant qu'on joue, on joue, il dit attendez ça me dit quelque chose, il écrit, ça, c'est un peu aléatoire. Des fois ça vient avant, après, pendant, c'est un peu super selon son mood. C'est génial. Ça. Est-ce que t'as des textes, tu sais, non abouti dans les tiroirs et un jour tu te dis celui-là il faudra que je le sorte? Et des textes aboutis dans les tiroirs. Et bah, aussi surprenant que ça puisse paraître, non. Okay. Je n'en ai pas. Tu les as tous terminés? Je les ai tous terminés. Il n'y en a qu'un qui n'est pas fini. Oui. Voilà, il n'y a qu'un seul et je, de toute façon, ce sera la prochaine compo. Ok. Voilà, qui n'est pas terminé parce que bah, la force des choses, à l'heure actuelle, bah, on n'a pas eu le temps de pouvoir le faire. Oui. On n'a pas eu le temps de profiter de chaque instant. Bah voilà. Voilà. Ce sera le titre, non? Profiter non, non, de chaque instant. Non, non, ce sont des paroles d'un titre qui s'appelle La Relève. D'accord. Voilà, et qui fera partie de l'EP. Ok. Voilà. On va prendre le temps, on va prendre le temps justement de pouvoir l'écrire calmement, plus posément. Prendre le temps de prendre le temps. C'est ça. Oui. Ouais. Nico, est-ce que toi, tu as des compos qui sont encore en tête ou quelque part écrits sur un bout de papier? Je crois que j'en ai pas mal. Beaucoup trop, même. J'ai beaucoup de mélodies qui traînent par-ci, par-là. Oui. Dans un fichier de mon ordinateur. D'accord, ok. J'imagine que ces scènes-là que vous venez de faire, c'est quand même une grosse bouffée d'air par rapport à, ben, un petit peu à ce monde de la culture qui s'est fait geler en plein vol avec ben, la crise que l'on connaît tous. Hein, oui, voilà. Tout à fait. J'imagine que là, ça doit être un gros, gros kiff de rencontrer les gens à nouveau. Vous aviez déjà fait des scènes avant celles que vous venez de faire ou c'était vos premières? Non, on en avait déjà fait avant. On avait déjà joué sur Bruyère avant, avant cette malheureuse crise. Voilà, sur le sur. On avait déjà un peu tourné quand même. On avait déjà tourné un peu avant. Ok. Ouais, ne serait-ce que de pouvoir répéter encore nouveau. Oui. Ne serait-ce que ça, bah c'était. Oui. Voilà, quelque part, c'était, je pense que cette crise a eu aussi un effet dans le sens où on a eu le temps de pouvoir composer. C'est ça, ça nous a permis un break. Maintenant, ce qui nous manquait quand même, c'était quand même le contact du public, cette joie de pouvoir transmettre nos émotions à travers la musique, à travers les concerts. Voilà. Et entre vous, quoi. Ouais, ne serait-ce que de se revoir. Ne serait-ce que de se revoir, ça avait été très très compliqué. Vous faisiez comment? Vous vous appeliez quand même On s'appelait et on s'envoyait les fichiers en se disant tiens, j'ai eu ça comme idée. Voilà. Ça ne nous a pas arrêté d'écrire quand même la crise sanitaire. Au contraire, on a pu trouver plus le temps d'écrire quand même pendant la crise sanitaire. Oui. Est-ce que vous avez eu des idées, de nouvelles idées de création, des choses qui vous sont venues justement grâce à ce moment figé? Bah, il y a le temps, il y a Singapour, l'Invincible. J'ai écrit L'Invincible, qui a été écrite. Oui, deux morceaux. Il y a au moins deux compos qui sont ressortis de cette crise sanitaire. Ouais. Voilà. Ouais. Qui ont mis beaucoup plus de temps que prévu, mais qui sont quand même sortis. Ok. Voilà. Eh ben c'est un mal pour un bien, comme on dit. Il fallait bien qu'il y ait un truc positif dans tout ça, quand même. C'est vrai, c'est vrai. Tout à fait. Dans chaque chose, d'ailleurs, que l'on rencontre, chaque expérience nous amène son petit lot positif, son grand lot. Ça dépend de quelle façon on le regarde. Je propose qu'on se lance un petit peu dans du son, hein, parce qu'on est aussi là pour se faire plaisir aux oreilles. Ah oui. Vous m'avez choisi quelques petits titres. Je commencerai par Gojira, c'est ça? Oui, tout à fait. C'est Ben qui l'a choisi. Ben, on t'embrasse. S'en suivra Vision of Division, c'est ça? Ah, ça c'est moi. Ok. Est-ce qu'on peut parler de pourquoi tu as eu envie de choisir ce titre? J'aime beaucoup Julian Casablancas et j'aime beaucoup ce titre, je crois que c'est un de mes préférés. Ok. J'aime beaucoup l'énergie qu'il y a dedans, je suis fan de sa voix. Ok. Je sais pas, j'aime beaucoup cette chanson. Ok, une atmosphère quoi. Ouais, quelque chose. Okay. On écoute ça, on se retrouve juste après? C'est parti. Allons-y. Give me some Asymétrique sur Radio Guémozo aujourd'hui avec moi dans l'odeur du son. J'ai dû écourter un petit peu ce son parce que il est déjà midi 44. Certains d'entre vous ont des obligations. Voilà, moi je voudrais bien que vous restiez avec moi toute la journée, mais c'est pas possible, c'est comme ça. On disait en off que le batteur donc du groupe qu'on vient d'entendre était un petit peu l'idole. Pas des jeunes, mais de Ben. Voilà, c'est tout à ça. Fait. Donc, dans Gojira, il y a Joe Duplantier qui est chanteur, et Mario Duplantier qui est chanteur-guitariste, et Mario Duplantier qui est batteur, ils sont frères. Et pour Ben, Mario Duplantier, donc le batteur, c'est une référence, c'est son idole, quoi. Et j'en profite pour dire que Jean-Michel Labadie, le bassiste de Gojira, est un monstre aussi. C'est incroyable ce qu'il fait. Non, franchement, ce sont des musiciens vraiment incroyables. Hein. Quand on entend ça, on se dit que le boulot derrière doit être quand même très intense. Justement, quel artiste vous donne envie de faire de la musique, vous inspire? Quel artiste vous aduliez quand vous étiez plus jeune? Alors moi, depuis très longtemps, je suis un très très très grand fan de Rammstein. Ah oui. Et Till Lindemann, le chanteur, c'est vraiment mon idole. Bon, je suis pas chanteur, mais c'est une grosse référence pour moi. Il m'inspire beaucoup et j'ai très envie de lui ressembler. D'accord. Ok. Moi, j'étais un mélange entre la fusion et le rock. J'ai eu des influences de Noir Désir. Ah oui. À un moment, Bertrand Cantat, c'est un très grand compositeur, auteur-compositeur, et puis No One Is Innocent. Ok, voilà, on va écouter juste après. Que j'ai eu la chance de pouvoir voir cette année au Sapin Barbu, justement. Oui. Ultime édition. Voilà, pour l'ultime édition des Sapins Barbus. Voilà, pour moi, c'est quelqu'un qui a effectivement. Je me retrouve un peu en lui dans le sens où il a des textes avec des sentiments et des choses à dénoncer. Et il a tout à fait raison dans ce qu'il chante. Okay. Voilà, il est vrai dans ce qu'il chante. Et je trouve ça magnifique. Super. Tu as aimé les Sapins ? Ah, ça a été un très très grand moment. On les embrasse. Ils ont fait un boulot incroyable pour leur dernière édition et c'était formidable. Ils ont fait un boulot formidable. C'était des bénévoles. Ils ont tout donné et c'était vraiment très cool. Et ça s'est vraiment ressenti. Vous y êtes allés ensemble ? Ah, j'ai pas pu venir malheureusement. Oui. D'accord. Voilà, mais Anto et moi, on y était. Voilà, et effectivement, ça a été un grand moment, et avec des équipes super sympas, un accueil chaleureux, et vraiment, un très grand festival. Voilà. Super. Nico, ouais, on les remercie. Oui, on les embrasse. Gros bisous. Quel artiste, toi, t'inspire, du coup? Ou t'as inspiré ou... Alors, je dirais Jack White, Julian Casablancas et mon père. Génial. Le meilleur. Génial. Du coup, la musique, ça te vient de ton papa? Enfin, cet amour de la musique? En fait, c'est le premier contact que j'ai eu avec la musique. Oui. On m'endormait en me jouant de la guitare. Génial. Donc voilà, j'ai commencé très tôt finalement. Super. Vous aussi, vous avez des parents musiciens? Non, pas du tout. Alors moi, il est pas musicien, mais il écrit. Il écrit énormément de poèmes. Comme voilà, quoi. Il avait sorti un livre de poèmes. Ah ouais. Voilà, pour illustrer, parce que ma mère faisait énormément de peinture et mon père faisait de la poésie. Et ils se sont amusés à faire une combinaison des deux et à sortir un livre. Un très joli bouquin d'ailleurs. Mmh. Voilà. Qu'on peut encore retrouver? Je ne sais pas s'il existe encore sur le marché. Ouais. Mais je pense que je pourrais me renseigner. Des parents artistes, quoi. Voilà. Bah, génial, super. Est-ce qu'il y a d'autres personnes au sein de vos proches, de votre groupe, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui s'impliquent au sein d'Asymétrique, mais qui ne sont pas sur scène? Je pense à quelqu'un de précis, mais voilà, je vais vous laisser le dire. En outre, tout à fait. En outre, si vous voulez parler de ma femme, qui est énormément impliquée et que j'embrasse très fort. Mais oui. Et qu'on remercie, chaleureusement. Oui. Voilà, et que l'on remercie énormément. Oui, tout à fait. Elle est totalement impliquée dedans et elle fait un travail magnifique pour le groupe. Elle est graphiste pour le groupe. Ok. Donc elle fait le logo. Le logo, les affiches, tout. Super. Toute la partie infographie, c'est elle qui. Toute la partie visuelle du groupe. Voilà. Génial. Est-ce qu'elle assiste aux répètes aussi? Alors, malheureusement, elle n'a pas le choix. Malheureusement, comme elle dit toujours, comme elle dit toujours, c'est très compliqué de vivre avec un artiste parce qu'elle l'entend tout le temps. Oui. Donc, à force, voilà, elle va qu'à ses occupations plutôt que de rester aux répétitions. Et c'est tout à fait compréhensible parce que c'est derrière les gens. Je pense que bon, on écoute la musique, mais pour quelques groupes que ce soit, on ne s'aperçoit pas de tout le travail en amont qui est effectué, des heures et des heures à travailler. Voilà, voilà, tous les artistes, chapeau pour ce que vous faites. Et du coup, ça se passe, ça se passe comment les répètes ? Vous vous répétez combien de temps ? C'est vraiment assez variable. Ouais, c'est assez variable. On essaie quand même de faire au moins deux heures par semaine minimum. Ouais. Mais il y a des répètes où on peut pousser à 3, 4, 5 heures sans problème. Ah ouais, vache. Donc elle vit avec quatre autres personnes en fait, c'est ça, enfin trois autres personnes en plus de toi quoi. Voilà, elle fait preuve d'une sacrée grande patience. Eh ben on t'embrasse. Voilà, on t'embrasse bien fort et on espère que tu seras là le 2 octobre. Elle sera là avec nous dans le public ? Logiquement, elle sera là dans le public, bon. Voilà. Ah voilà, avec grand plaisir de faire ta connaissance. Vous avez tous un job à côté de cette musique qui vous fait vibrer ? Tous non, mais... pas vraiment. Ok, comment... Oui. Moi, je suis technicien télécom pour une société qu'on citera pas, c'est la couleur d'un agrume. Ok. Moi, je suis technicien de maintenance. Ok. Et toi, Nico, musicien à plein temps ? Moi, on va dire ça, oui. Et Ben, il travaille en ce moment. Ben, il travaille avec moi. Ah bah oui, on l'a dit tout à l'heure. Comment ça se passe pour concilier ses activités, sa vie personnelle, en plus de cette musique-là qui doit prendre un temps incroyable ? Ça demande une discipline. Ça demande une discipline, ça demande aussi beaucoup d'efforts pour la famille autour, oui. Qui, elle, doit parfois subir le fait qu'on est, parce qu'on fait de la musique, mais quelque part on travaille derrière. Bah oui. Voilà, donc qui subissent un peu aussi notre passion et notre travail derrière. Voilà, il y a des moments où, pour avoir des enfants, il y a des moments où effectivement, ils aimeraient que je sois plus présent. Là, c'est un peu exceptionnel parce que là, on est en enregistrement, mais il y a des moments où effectivement, ça demande certains sacrifices quand même. Mais oui, c'est vrai. Mais c'est ça la vie, c'est des choix. Voilà. C'est ça. Et ça en vaut le coup. Ah oui. Bon, alors c'est le principal. Est-ce que vous faites partie d'autres collectifs à côté, histoire d'en rajouter une couche encore ? Eh ben, pas du tout. Non, absolument que asymétrique. Pas. Ça suffit. Ouais. Ah, j'ai beaucoup joué avec Delphine. Que j'embrasse très fort d'ailleurs, si elle nous mais écoute. Oui. Elle est partie vers d'autres horizons, voilà. Vers d'autres contrées. Que nous embrassons très fort. Oui, que nous embrassons très fort. Ok. Je joue dès que je peux en fait. Oui. Voilà. Dès qu'il y a un artiste qui traîne, pouf. Oui, voilà. Tu sors ta guitare et c'est parti. Génial. Du coup, bon, asymétrique, ça suffit. Ça demande déjà beaucoup de travail. En ce moment, vous préparez donc un album, un EP, c'est un ça EP, oui. Un EP. Oui. Ok. Combien de titres ? 5. 5. 5, dont le titre que vous venez d'écouter, qui en fera partie. Oui, en d'accord. Évidence. Tous les titres sont déjà, entre guillemets, terminés ? Non. Non. Non. Il n'y a que en évidence qui est terminé pour l'instant. Ok, ça marche. Et vous savez à peu près, il y a une deadline ? Enfin, je veux dire, il y a. Non, pas vraiment. Non. Pas vraiment. Il n'y a pas vraiment de deadline. Maintenant, on aimerait que ça puisse être terminé pour la fin de l'année. Ok. C'est pas toujours, on ne fait pas toujours comme on peut. On fait déjà, enfin, comme on veut, on fait déjà comme on peut. Et c'est déjà pas mal. Okay. Tout à fait. Est-ce qu'il y aura des clips, des choses, des sorties, des. À travers tout ça ? Non, peut-être pas la peine. J'ai des idées de clips. Ouais. Maintenant, à voir s'ils sont réalisables ou non. Voilà. Tu crois que Nico, il n'est pas chaud là pour passer à l'image ? Ça dépend pour quoi faire. Oula, on n'en parlera pas. Bon, okay. On va lancer un son, on va parler de ça en off. Il n'y a pas de souci. Non, mais c'est vrai que peut-être pendant que vous jouez, quelqu'un qui vous filme pendant que vous jouez, ça peut être génial aussi dans le mouvement. Oui, c'est vrai. Après, c'est pour l'instant pas une priorité. Oui. Non, pour l'instant, ce n'est pas une priorité. Pour l'instant, déjà c'est déjà de se faire prioriser. Mais oui, effectivement, Roger a quelques idées dans son chapeau. Ah, vous reviendrez nous en parler, j'espère. Avec sans plaisir. Problème. Super. on va se lancer dans nos deux prochains sons. Cette émission passe à toute vitesse. J'essaye d'aller le plus rapidement possible parce que voilà, il faut que je libère mes invités. On va donc entendre No One's Innocent que tu as choisi, Roger, avec tout le titre fait. La peau, c'est ça? Tout à fait. Parce okay. que je pense qu'il me correspond tout à fait. Et toi, t'avais choisi ? Alors moi, j'ai choisi Punchies. C'est un petit groupe du coin. Ils sont vraiment formidables. Ils font un boulot de malade. Ils sont en trois. Mmh. Et c'est des spinaliens. Et franchement, ils sont fantastiques. Et on les embrasse. On les embrasse très fort. C'est un groupe que j'adore. Ah ben voilà, faut que tu leur dises de venir ici. Tout à fait. Allez, on écoute ça tout de suite. On se retrouve juste après. Thank you. Et voilà pour ces sons spécialement choisis par Asymétrie, groupe de rock très locaux que j'ai eu la grande chance d'avoir avec moi aujourd'hui, en tout cas trois de leurs membres. Et puis Ben, on t'embrasse très fort et on se retrouvera, je le répète, le 2 octobre devant les locaux de la radio pour fêter les 40 ans et voilà, avec vous sur scène. Et merci encore beaucoup. On vient d'apprendre que du coup le son que l'on a écouté tout à l'heure en évidence vient de sortir sur SoundCloud. Et ben voilà. Voilà, tout simplement. Que de bonnes nouvelles. Voilà. C'est quoi les grands projets du groupe là ? Bah, l'EP déjà. Ouais, bah, oui. Terminer les enregistrements. Ouais. Voilà. Ok. Et puis faire c'est un maximum de concerts. Et ben voilà. On peut vous retrouver sur les réseaux ? Oui, tout à fait. Si vous pouvez nous retrouver sur le Facebook, Instagram. Instagram. Et Bandcamp et SoundCloud du coup maintenant. Et ben voilà, super. Voilà. Super. Qu'est-ce qu'on vous souhaite pour la suite ? Plein de musique. Ouais, c'est exactement ce que j'allais dire. Super, plein de musique, avec grand plaisir. Ouais, plein de musique. J'avais quand même une dernière question avant que je vous libère. C'est quoi votre meilleur souvenir sur scène ? Moi, personnellement, c'est quand on a un morceau qui s'appelle Les Anges. C'est quand j'ai vu les gens danser sur les anges pour la première fois. Je me suis dit, ouais, c'est. Là, on a un impact, on a quelque chose quand même. Et ça m'a fait vraiment beaucoup plaisir de voir les gens s'amuser sur, comme on disait plus tôt, sur une musique que c'est nous qui avons écrit. Quoi. Ouais. Et je pense que c'est un de mes meilleurs souvenirs. La première fois que j'ai vu des gens danser sur nos morceaux. Quoi. Mais j'imagine que ça doit booster, donner envie de continuer encore, de se donner à fond. Quoi. Tout à fait, on se dit, putain, les gens, ils aiment bien, il faut qu'on persévère. Quoi. Les gens, ils adorent, ils en veulent plus, alors il faut qu'on donne tout ce qu'on a. Quoi. Super. Oui, effectivement, je pense que c'est le fait de voir le public... se faire plaisir, être réceptif, voilà, être réceptif à ce que l'on dit et à ce que l'on fait, et qu'ils prennent du plaisir à nous écouter, voilà, voilà, venez au concert, profitez et passez une bonne soirée. On mord pas, venez. Voilà. Moi, je précise que le 2 octobre, il n'y a pas de passe sanitaire, que l'entrée est gratuite, donc il n'y a aucune raison de ne pas venir. Tout à fait. Voilà. Et toi, Nico, ton meilleur souvenir ? Alors, c'est assez compliqué, mais je dirais qu'à Bruyère, j'ai eu vraiment un moment, j'allais dire d'absence, mais où je me suis vraiment lâché. Oui, je suis vraiment parti ailleurs. Ouais. C'est peut-être ça. Emporté par la musique. Pour moi, en tout cas. C'est super égoïste, mais c'était vraiment un moment super. Oui, toi, tu fais des voyages multidimensionnels quand tu joues de la guitare. Voilà, il se transforme en guitare, en fait. Voilà. Tu vibres au son. Ça n'arrive pas souvent, mais quand ça arrive, c'est... C'est ce que l'on appelle un micro international. Ouais, non, mais c'est vrai que ce sont des moments indescriptibles quand on vibre ainsi. Merci beaucoup, les garçons, d'être venus dans merci nos studios. Un grand merci. Ouais, merci. J'étais merci ravie de vous rencontrer. Très très hâte de vous voir jouer pendant nos 40 ans. S'il n'y a personne, moi je serai là et je vous assure que je mets l'ambiance pour 100 personnes. Il n'y a pas de problème. Asymétrique dans l'odeur du son aujourd'hui avec grand plaisir. Voilà, et je vous invite à aller les retrouver sur internet. J'ai fait des petites publications avec votre. Je vous ai tagué, donc les gens pourront cliquer sur tout ça pour vous retrouver et puis connaître vos prochaines dates et vous suivre pour cette sortie d'EP. Dont j'espère que vous viendrez me reparler très prochainement. Avec plaisir. D'accord ? Avec plaisir. Gros bisous à tous les trois, gros bisous à tous qui nous écoutaient, à tous ceux qui participent à cette belle aventure d'Asymétrique. Et on se retrouve, pour moi, dans une heure, parce que je suis en direct avec Chris à 14h, et à la semaine prochaine avec Dom et toute la clique. Allez, gros bisous. Bye.